pas d'amis dans le rap, ma gueule, y'a que des tasses, ouais. Ils attendront ma mort pour me dédicacer. Toute la journée, j'suis dans le flow. J'ai pas peur, j'vends ma drogue. J'ai pas d'amis dans le rap, ma gueule, y'a que des tasses, ouais. Ils attendront ma mort pour me dédicacer. Toute la journée, j'suis dans le flow. J'ai pas peur, j'vends ma drogue. Tracker sous le bas moteur, tous les trous sont déjà notés. À meuter la meute, il me faut un putain de pilote en moto. Je vais mettre fin à une amitié, mettre fin à une amitié. Maman m'a dit trop le dalle, j'entre pas, j'ai trop la dalle. J'entre pas, j'aime trop la terre, un cœur de pierre quand je prends le terre. Hier soir j'ai fait mon coup, toute la journée je comatais. Pendant que mes clips sur YouTube continuent de faire commenter. Comment faire, ouais comment faire, c'est mon frère et t'es mon frère. À ce rythme, assuré qu'on se reverra tous en enfer. Les pédos en baisse, les prix varient. 23h on enferme Jack et Daniel dans la cristalline. Chante avec que personne n'aime, j'suis solo que personne n'aime. J'vais vous niquer vos grand-mères, les putes, y'a rien de personnel. Alcool et pédos en baisse, les prix varient. 23h on enferme Jack et Daniel dans la cristalline. J'ai pas d'amis dans le rap, ma gueule, y'a que des tasses, ouais. Ils attendront ma mort pour me dédicacer. Toute la journée j'suis dans le flow. J'ai pas peur, j'vends ma drogue. J'ai pas d'amis dans le rap, ma gueule, y'a que des tasses, ouais. Ils attendront ma mort pour me dédicacer. Toute la journée j'suis dans le flow. J'ai pas peur, j'vends ma drogue. La nuit je retourne d'arroser. L'inspecteur me fout longtemps, on dirait qu'il veut me peloter. J't'avoue que je tiendrai pas longtemps avant de finir me noter. Ma gueule, il me faut le magoé. Que je marie ma goé, gros j'en ai marre de magouiller. J'ai pas d'amis, ce qui me fait damer, c'est juste ma tête, ma paire de gants, mon tournevis. Je regarde l'église, c'est bientôt l'heure, faut que je retourne viser. Elle me demande pas comment je vais, gros je suis en crise. J'ai mon grand frère derrière les barreaux, je l'ai en visio. Au début c'est juste des élèves mal polis, mais la street vient les appeler. Donc trafiquant des alcoolistes, ouais. Jeune dealer qui gère des clientes mal gaulées. Connu des services de police, connu pour servir les soleils. Longtemps que je ne suis plus écolier, mais je manie le vocabulaire. Un peu fêtard, je mélange le fanta, je vois la vocabulaire. J'ai pas d'amis dans le rap, ma gueule, y'a que des tasses, ouais. Ils attendront ma mort pour me dédicacer. Toute la journée, je suis dans le flow. J'ai pas peur, je vends ma drogue. J'ai pas d'amis dans le rap, ma gueule, y'a que des tasses, ouais. Ils attendront ma mort pour me dédicacer. Toute la journée, j'suis dans le flow. J'ai pas peur, j'vends ma drogue. J'ai pas d'amis, j'fais pas le mec. J'suis solo dans ma life, pas d'alliés, un tas d'emmerdes. Gros, j'endors pas de la neige. J'ai pas d'amis, j'suis parano. J'veux pas d'amis, j'suis parano. J'ai pas d'amis, j'fais pas le mec. J'suis solo dans ma life, pas d'alliés, un tas d'emmerdes. Gros, j'endors pas de la neige. J'ai pas d'amis, j'suis parano.